Chapitre 4e. Feu pour le feu. Vers 4 heures de l'après-midi, je prends position directement sur les rochers à l'ouest du port. Si le bateau sort, je ne pourrai pas le manquer. Dans mes poches, je serre joyeusement la boussole de Georges, autour de mon cou, les jumelles et le téléobjectif. Au bout d'un moment, j'ai la joie de voir sortir le Santa Cruz qui prend rapidement de la vitesse. Un coup de jumelle. Ils sont bien deux, comme d'habitude. Assez jeune, le pied marin. Debout, tous les deux, ils encaissent sans broncher les soubresauts du bateau. Derrière, dans la ligne d'horizon, je remarque le palangrier à la cabine en chapeau haute forme. Au bout d'une quinzaine de minutes, selon son habitude, le rocam est en panne. Je sors la boussole de visée et fais un premier relevé. 5 minutes plus tard, je le complète par un second pour vérification. C'est bon. On peut considérer que sous cet angle, le bateau n'a pas changé de position. Sur la carte d'état-major, je pointe au crayon gris l'endroit où je me trouvais. Il est temps maintenant de croiser la position par un autre relevé du côté est de l'Anse. Direction le pied du phare de la Couronne. Pour cela, il me faut prendre ma voiture, histoire de gagner du temps, au cas où les gars décideraient de rentrer au port. Je remballe mon matériel et me dirige vers le bar de Gigi, derrière lequel j'ai laissé ma mini. Je jette un coup d'œil à l'intérieur du bar. Le vieil Arsène est à sa table habituelle et achève sa énième réussite. Quant à Gigi et Paula, elles sont en terrasse, tirant nerveusement sur leurs cigarettes, attendant fébrilement que la nuit vienne. Je m'esquive discrètement pour vaquer à ma besogne. Au moment où je veux mettre le contact, Marcel ouvre la portière du passager et s'affale lourdement sur le siège de ma mini. « Je viens avec toi, me fait-il. Mais tu ne sais même pas où je vais. » « Tu me prends pour une bille, Gino? Tu vas de l'autre côté faire un deuxième relevé pour achever ta triangulation. Tu sais, des trucs comme ça, j'en ai fait des tas dans l'armée et dans la marine. Alors ton petit manège, je l'ai vite compris. Je ne sais pas ce que tu cherches avec le Santa Cruz, mais je pourrais peut-être t'aider. Tu sais, moi, je suis ici toute la journée et toute l'année. » Marcel me guide à travers la couronne pour rejoindre le phare. La piste est malaisée et chaotante. « Tu n'aurais pas pu acheter une 2 ou une 4L au lieu de cette boîte à chaussures à roulettes ?» me fait Marcel. Parvenu à un certain point, je préfère arrêter ma mini pour garder les amortisseurs et les cardans en bon état. C'est qu'il est lourd, le Marcel. Il tressaute sur son siège comme un flan. Je serre le frein à main d'un coup sec et le regarde droit dans les yeux. Puisque tu sais tant de choses, alors tu vas pouvoir me dire qu'a dégrompé mon copain Rinaldi. Rinaldi? C'est un brave mec, mais il est un peu lourd, si tu vois ce que je veux dire. Je te jure que je ne sais rien sur ce qui lui est arrivé. À propos, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ce soir pour le congeler au rasoir? Il nous faudrait un peu d'essence. Tu aurais ça ou faut-il en acheter? Non, ça va, j'ai compris. J'ai ce qu'il faut dans un jerrycan. Nous descendons tous deux de la voiture et nous nous dirigeons vers le phare. À nos pieds, la plage du Verdon où les baigneurs sont encore rares. Le Santa Cruz est toujours visible, ainsi que le palangrier un peu plus au large. Je fais mon deuxième relevé à la boussole de visée. Je prends aussi la position du palangrier. Pendant ce temps, Marcel scrute les deux bateaux à la jumelle. Je ne vois personne sur le Santa Cruz. Ils doivent être tous dans l'eau. Pétard, ils ont confiance, hein? On pourrait leur piquer le bateau comme on veut. Et sur le palangrier, je ne sais pas comment ils pêchent. Il n'y a personne sur le pont et je n'ai pas l'impression qu'il y ait des lignes à l'eau. En tout cas, ils ont dû trouver une fabrique de poissons. C'est pas possible. Ils pêchent toujours au même endroit. Tu le crois, ça, toi? Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que si je suis là, ce n'est pas pour des prunes. Ça sent la magouille à plein nez. Marcel me tend les jumelles. Il a raison. Je ne comprends pas ce que fait le palangrier toujours au même endroit. C'est bien connu que les bancs de poissons voyagent. De toute façon, j'ai ce qu'il me faut avec la carte pour calculer grosso modo la position des deux bateaux. Nous pouvons rentrer au port, retrouver la jante féminine. À la terrasse du café, Gilda est en train d'enlever les fils des haricots pour passer le temps. Elle a repris son humeur massacrante qui prouve qu'elle va bien. Eh ben, pendant que les uns travaillent, les autres vont se balader, cela coule douce. Marcel n'apprécie pas du tout de se faire remonter les bretelles. Il met les mains sur ses hanches, gonfle son ventre qui est déjà bien tendu et lui lance « Oh ma belle, ce n'est pas avec la poignée de filles que tu me donnes de temps en temps que tu peux te montrer exigeante. » Je te conseille de le prendre un peu moins haut, c'est vu? Bon, ça va, on peut rien te dire à toi. Et au moins du respect pour l'âge. Ça ne te coûtera pas cher. Sans compter que je vais encore travailler de nuit pour pas en rond. » Gigi met le nez dans ses haricots et la boucle. Elle ne peut pas faire autrement. Personne ne le dit, mais chacun des quatre attend fiévreusement la nuit pour que se conclue le cauchemar de la veille. Dans un coin de la terrasse, un couple d'estivants ou de Marseillais de passage discute à une table en regardant le port. Pendant que les parents sirotent leur pastis, les enfants se délectent de coca à coups de paille. À chaque gorgée, les deux gosses rôtent bruyamment en riant aux larmes. Finalement, le père met une tape derrière la tête de son gamin et la mère secoue l'épaule de sa gamine en lui criant « Ça suffit maintenant !» Le soleil darde ses derniers rayons en donnant au décor une tonalité jaune et chaude, augmentant les nuances et les contrastes. C'est l'heure à laquelle il faut photographier les cartes postales. C'est Pécoul qui me l'a dit. Quel dommage qu'une aussi sale besogne nous attend dans quelques heures. Une estafette de gendarmes passe lentement sur le port et s'en va tourner vers le parc à bateaux. Gigi a lâché les derniers haricots et me regarde avec un drôle d'air. J'en profite pour me rapprocher de Marcel et lui demander à voix basse où il a planqué la bagnole du truand. « Je te l'ai déjà dit, dans le garage d'Étienne qui est à l'hôpital. T'inquiète, y a rien à craindre, » me répond-il calmement. « Tu crois qu'il cherche le mec ?» me demande Gigi à l'oreille. « Ça ne fait jamais que 24 heures qu'il a disparu. Et ça m'étonnait que sa famille ait déjà lancé un avis de recherche. Tu sais, ce genre de mec, ça va, ça vient. T'affole pas, en général. Quand les gendarmes cherchent quelque chose, on s'en aperçoit. » À ce moment, Paula fait son apparition en soulevant doucement le rideau de perles de bois. Elle avance sur la terrasse avec une lenteur calculée et une élégance folle. Tout en elle est juste et un rien lascif, comme une star de cinéma. Elle s'assoit à une table et allume une quinte avec une telle application qu'on dirait qu'elle est filmée. Après avoir rejeté une légère bouffée, elle nous adresse la parole à voix mesurée. Je me suis reposé un peu et ça m'a fait un bien fou. C'est tellement calme ici que je crois bien que j'ai fait un petit somme. Marcel la mange littéralement des yeux. En son fort intérieur, il regrette les litres de bière qu'il a bu et les cartouches de gauloise qu'il a fumées. Sinon, c'est sûr qu'il l'aurait attaqué dans les règles de l'art, la Paula. Mais bon, on ne peut pas être et avoir été. Profitant du calme ambiant, je déplie la carte d'état-major de Georges et l'oriente avec la boussole. Je trace une droite partant du phare de la couronne en respectant l'azimut relevé. Comme quand j'étais minot et que je faisais quelque chose de minutieux, je mords le bout de ma langue, ça aide. D'ailleurs, je n'ai jamais compris d'où vient ce tic et pourquoi beaucoup d'enfants l'ont. Peut-être une réminiscence de la tétine ou du téton, et donc un sentiment de sécurité au moment où l'on fait quelque chose de risqué. Bon, trêve de psycho, je trace une autre droite à partir de la pointe ouest du port. Le bateau jette l'ancre à chaque fois là où les deux droites se croisent. Grâce à l'échelle, je peux même, avec une bonne approximation, calculer la distance par rapport à la côte. Le problème, c'est que je voudrais bien savoir ce qu'ils cherchent dans leur plongée. Ils ne pêchent pas puisqu'ils n'ont aucun fusil à harpon et ils ne ramènent aucun poisson à quai. En tout cas, il est certain qu'à cet endroit-là, quelque chose les intéresse au fond de l'eau. Je finirai bien par savoir ce que cherchent Sanchise et sa bande. Demain, si j'ai les photos, je passerai au CRPJ les donner à Serge pour savoir si par hasard ces types sont connus de nos services. Pendant que je me perdais en conjectures, je ne suis même pas aperçu que Gigi était partie. Elle revient un sac en plastique à la main. « Mouma, » fait-elle en balançant le sac, « ce soir je te fais des haricots verts et des sardines grillées, ça te va ?»« Parfait, ma chérie, » lui répond Paula, avec sa voix légèrement voilée à la Claudia Cardinal. « Hé, Gino, » me fait Marcel, « tu sais qu'est-ce qu'on va manger, nous ?»« Mais j'en ai pris pour tout le monde, Fadaoli. Ne commence pas à me chercher, hein, ce n'est pas le moment. » « À qui tu les as achetées, ces sardines, Gigi ?» demande Marcel. « À la belle Caille, qui vient de rentrer à quai, » répond Gigi. Elle étale le contenu du sac sur un journal. Il y en a pour un peu plus de 2 kilos. « Ils avaient combien de casiers ?» je demande à Gigi. « Je ne sais pas, moi, 4 ou 5. » Marcel s'approche de moi et me murmure. « Je ne vois pas comment ils ont pu pêcher autant de sardines en restant au même endroit. À moins qu'elles soient montées toutes seules dans le bateau. C'est bizarre, non ?»« T'as raison, Marcel. » Elles auront un goût de somatique, ça m'étonnerait pas. Somati étant le marché de gros du poisson à Marseille, près de l'Estac. Je me tourne vers Gigi. Tu les as payées combien, ces sardines? Je voulais un casier entier, mais ils n'ont pas voulu me le donner. Le gars m'a dit que tout le poisson était pour un détaillant. Il m'a donné plusieurs poignées, comme ça, je ne les ai même pas payées. Tout le reste est parti dans la camionnette. Bizarre, bizarre, fais-je à voix basse à l'attention de Marcel. Vous l'avez dit, cher cousin, c'est aussi bizarre que la pêche sous-marine bidon des autres. C'est l'endroit qui doit vouloir ça. Qu'est-ce qu'ils avaient d'autre comme poisson ? Demande Marcel. Deux casiers de sole, répond Gigi. Des sols ? Enfin, de pétan ! S'étonne Marcel. À l'endroit où ils étaient. J'y vais demain alors avec mon zodiaque. Marcel et moi ne sommes pas des pêcheurs professionnels et il y a certainement des arcanes de la pêche que nous n'avons pas compris. À moins que là aussi, il y ait une angatse. Dis, Gino, au lieu de disserter sur la pêche, tu pourrais commencer à faire de la braise pendant que je mets les haricots à la cocotte minute. Et toi, Marcel, fais-nous une salade de tomates avec des oignons. Mais pas trop d'oignons, hein ? Il faut que je fasse quelque chose, intervient Paula. T'inquiète, Mouma, je t'ai réservé le meilleur. Vider les sardines. Mais je vais payer jusqu'à demain, ma fille. Mieux toi que moi, Mouma. Sinon, le pastis va avoir le goût de sardine. Et tout cela se fait en servant de temps à autre un anis et un habitué de passage. Ici, les clients sont un peu comme des cousins qui vont et viennent. C'est pratique, car ils sont patients et compréhensifs, mais ça aussi des inconvénients, surtout quand ils s'incrustent. En fin de soirée, après avoir fait semblant de regarder Guiluc sur la deuxième chaîne, nous fermons le rideau et allons fumer chacun notre cigarette sur un banc au bord du quai. Nous ne parlons plus et attendons que les lumières du village s'éteignent une à une et que les bruits se taisent. Aux alentours de minuit, tout paraît suffisamment calme pour que nous passions à l'action. Et les trois autres m'imitent sans parler. Quand faut y aller, faut y aller. Les deux femmes se dirigent vers l'arrière du bar. Marcel et moi regagnons le garage d'Étienne, où se trouve la voiture du malfrat. Seul ombre au tableau, comme une punition divine, un clair de lune inattendu qui va nous créer quelques difficultés. Nous ouvrons les portes en essayant de faire le moins de bruit possible. Sous la faible clarté lunaire, je distingue dans le garage un Spider Alpha Rouge, le genre de bagnole qui ne peut pas passer inaperçu en plein jour. Marcel a eu une riche idée de la planquer vite fait. Je remets la capote du Spider et le premier moment d'enjeu arrive, mettre en marche la voiture. Marcel, je vais faire démarrer la bagnole en mettant la première et direct. Je vais la garer derrière le bar, sans mettre les lumières. Tout de suite après, tu fermes les portes sans bruit et tu viens me rejoindre. Je passe la première et mets en marche, tout feu éteint. Dès les premiers tours du moteur, je lâche la pédale d'embrayage et quitte le garage en passant tout de suite en seconde puis en troisième pour faire le moins de bruit possible. Je termine ma course 200 mètres plus loin derrière l'arrière du bar. Le parcours a duré 30 secondes et j'espère que personne ne l'a entendu ni remarqué. Je ferme doucement la portière. J'entre dans la cuisine dont la lumière est éteinte et dans le noir, j'entends les respirations de Gilda et de sa mère. « On va attendre que Marcel arrive, » dis-je. Dès que le copain est dans la pièce, je referme la porte donnant sur l'extérieur. Gilda allume la lumière. J'ai juste le temps de remarquer les traits tendus de chacune. « Éteins la lumière, Gigi. On va se débrouiller avec la lampe électrique. Ta mère et toi, vous devriez monter dans la chambre sans allumer. Laissez-nous faire à tous les deux, ça va aller. » Sans rien dire, les deux femmes gravissent les escaliers. Nous voilà à pied d'œuvre avec Marcel. Il ouvre la porte de la chambre froide et éclaire le cadavre. Il a pris une belle couleur pistache claire et répand une odeur surie qui sera longue à faire disparaître. Je me penche pour faire connaissance de ce malfaisant. C'est de toute évidence un produit d'origine incontrôlée qui vient de quelque part mais pas depuis longtemps. Paix à son âme, si tant est qu'il en ait une. C'est malheureux à dire, mais je pense en ce moment que Gigi a bien fait. Un de moins, c'est toujours ça de gagner. Il me semble que nous nous livrons à un rituel macabre mais salutaire, dont nous sortirons purifiés. On va lui enlever tout ce qui peut servir à l'identifier. Nous prélevons sur le cadavre une Oyster Rolex, produit certainement d'un larcin, une chaîne en or avec une grosse médaille, une gourmette également en or et une chevalière de taille outrancière, le tout d'un poids respectable. L'ennui avec ce genre d'économie portative, c'est qu'on risque de les perdre brutalement et tout ensemble. Nous avons beau fouiller, pas de papier. Ils sont peut-être dans la voiture. Tu m'as dit que tu avais de l'essence, Marcel. Il faut la prendre. Sans bruit, mon Marcel se dirige sous l'évier et en sort un petit estagnon. Il me l'éclaire avec la lampe pour que je le voie bien. Ça suffira ? Ouais, c'est bon. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Nous allons charger le macabre dans l'alpha. Tu me suivras avec la mini. On va prendre la voie rapide à un moment, Je ferai demi-tour pour reprendre la direction de Carreau. Ouvre bien tes mirettes parce qu'on va essayer de rouler tout feu éteint. N'allume que si vraiment tu ne sais plus où tu vas, ok ? Ouais, de toute façon tu me suis. Moi je suis Nyctalope, me lance Marcel, tout fier d'utiliser un gros mot. Le moins de bruit possible, n'oublie pas. Nous chuchotons comme si tout Carreau était derrière la porte de la cuisine à nous espionner. Tout à coup il me vient une idée. Je farfouille dans la cuisine, à la lueur de la lampe électrique pour trouver un chiffon et une paire de gants de cuisine. Sous l'évier, je trouve mon bonheur. Des gants de caoutchouc rose et un chiffon propre. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, balèze ? Il n'y aura plus d'empreintes après, c'est sûr, » affirme Marcel. « Et si jamais un gus arrive, avant que tout soit cramé, et s'il éteint l'incendie, on sera botté. » « Ouais, bien sûr, avec de la malchance. Il peut ressusciter aussi. » « Écoute, tête de mule, dans ma vie, j'ai toujours compté avec la malchance, et je l'ai toujours trouvé là où je l'attendais. Allez, rentre dans le frigo, ça va te rafraîchir les idées. Tu le prends par les pieds, moi par les épaules. » Au moment où je prononce ces mots, je sens une main se poser sur mon épaule. Ce contact me fait l'effet d'une décharge électrique. Je me tourne et commence par éclairer deux ballerines blanches. Paula se tient debout devant moi, impassible. « Je voulais le voir, avant que vous ne l'emportiez, » dit-elle tout bas. Elle se penche sur le cadavre et lui trace une croix sur le front avec le pouce. Il avait peut-être une mère. C'est ce qu'elle aurait fait, je pense. Allez, je remonte. Décidément, l'âme humaine m'étonnera toujours. Je sors dans le noir et ouvre la portière droite de l'Alpha, puis nous portons le cadavre avec Marcel et le caisson tant bien que mal sur le siège du passager. Avec précaution, je referme la portière et essuie consciencieusement la poignée et l'arête de la portière. Une fois au volant, je le frotte aussi soigneusement ainsi que le pommeau de vitesse et les clés de contact. Enfin, j'enfile mes gants. « Tu vas faire la vaisselle ?» ironise Marcel. « Abruti, bah, c'est le moment de plaisanter. » Je lui fais signe de se diriger vers la mini et nous voilà partis pour l'opération. Nous sortons sans encombre du patelin, tout feu éteint, à allure modérée et silencieuse. Dans la pente qui quitte le village, je me repère avec le pont de chemin de fer qui enjambe la route et se détache dans le ciel. Parvenu hors de vue du village, Marcel allume les côtes de temps à autre pour vérifier sa trajectoire, mais la lune seule nous éclaire presque suffisamment. Nous parvenons au fond d'un ballon où la route a été taillée dans la roche de la colline. Arrivé en haut de la côte, je lance un appel de phare pour Marcel. Nous faisons demi-tour et venons nous placer dans la pente qui revient vers Carreau. Là, le bas-côté large d'au moins 8 mètres. Marcel descend de la mini et vient à ma portière pour les dernières instructions. Il va falloir faire vite. Mets la mini derrière moi, le plus loin possible du bord de la route et reviens me voir pour déplacer le macabre. Nous vivons ces instants avec au ventre l'angoisse qu'un véhicule arrive, mais le calme perdure. Une fois le cadavre installé au volant, somme toute l'air guilleret, l'alpha en position dans la pente, je dégonfle presque complètement le pneu avant droit. Je grimpe dans la mini et Marcel pousse doucement le spider pour lui faire prendre de la vitesse. Le pneu dégonflé ne tarde pas à tirer l'alpha vers la droite, dans le bas-côté. Elle termine sa route en percutant la paroi rocheuse de l'accotement. Je bondis alors de la mini avec mon estagnon, en priant tous les saints pour que personne n'arrive. J'asperge la capote, l'intérieur du cabriolet, et termine par une petite traînée d'essence à laquelle je mets le feu. Dès la première flamme, je suis déjà dans la mini et Marcel la lance dans la pente. Je me tourne et vérifie que le spider prend complètement feu. C'est parti, comme à la Saint-Jean. J'ai soudain une pensée pour Jeanne d'Arc et Jacques de Molay. Arrivé au sommet de l'autre côte, je demande à Marcel de s'arrêter sur le bas-côté. La voiture continue de brûler normalement. À la jumelle, je me rends compte que le cadavre est maintenant embrasé. C'est bon signe. Ça va, c'est bon pour l'instant, fais-je à Marcel. Tant mieux parce que je commence à fatiguer là. C'est plus de mon âge, ces conneries. J'aperçois alors des faisceaux de phares qui vont apparaître en haut de la côte dans la seconde qui vient. « Démarre, putain! Taille nous voilà du monde! Allez, fonce, fonce !»« Et mets les phares maintenant, sinon on va se planter !» Notre mini a dû disparaître avant que le conducteur arrivant n'ait pu la voir. Nous repassons sous le pont de chemin de fer. « Garde-toi là, sur la droite, et essaie de planquer la bagnole. On va attendre un peu, voir ce qui se passe. » Au bout de quelques secondes, une voiture passe à vive allure et prend la direction de la couronne en bas de la pente. « Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut rentrer maintenant ?»« Non, attends. » Fais demi-tour et retourne vers l'alpha. On sera dans l'autre sens, et même si on nous voit, on ne risque pas d'être mis en cause. Arrivé de nouveau au sommet de la côte, je demande à Marcel de stopper et d'éteindre les lumières. J'observe la carcasse du spider à la jumelle. Quelques flammèches prouvent que certains matériaux se consument encore. Mais j'aperçois nettement les arceaux de la capote et le cercle squelettique du volant ainsi que les armatures métalliques des sièges. Un véhicule de pompiers surgit au sommet de la côte, gyrophare tournant. Il arrive trop tard. Notre tâche est terminée et nous pouvons rentrer. Allez, demi-tour, Marcel. N'allume les phares qu'une fois qu'on sera dans la descente. Parvenu à l'entrée du village, Marcel garde la mini au-dessus de la plage. Nous rentrons à pied car chacun de nous a besoin de s'aérer les neurones en respirant l'air frais. Tu croyais, toi, que tu ferais un jour ce qu'on vient de faire? Moi, tu vois, j'en ai fait des choses pas très claires dans ma vie, mais ça... J'avais jamais osé encore. Quant à toi, je te dis la vérité. J'aurais jamais cru que tu es assez fou pour le faire, murmure Marcel. Je peux dire que je l'ai fait par amour. Mais finalement, pas seulement par amour. Gilda avait fait le plus gros du boulot, et je considère qu'il était logique de terminer la liquidation d'un malfaisant tel que ce type. Si c'était aussi facile de se débarrasser de tous ceux qui sont nuisibles en ce bas monde, j'en ai marre de cette poignée de connards qui pollue la terre entière. Oh là, collègue! Toi aussi, tu me fais le coup de la solution finale. On leur fout à tous le feu et terminare, c'est ça? Mais non, tu m'as parfaitement compris. Je ne le regrette pas, voilà. Même si j'ai encore envie de gerber. Mais toi, pourquoi tu m'as aidé? Je ne me suis pas posé la question. Il aurait fallu que je me la pose hier au soir, quand j'ai mis le gars dans le frigo. Et puis, disons que j'aime pas laisser des amis dans la mouise. Arrivé derrière le bar, nous grattons à la porte de la cuisine. Aussitôt, Paula nous ouvre et referme précautionneusement la porte. La cuisine s'éclaire. Gigi et Paula sont en face de nous, livides. « Alors ?» demande-t-elle ensemble. « Ça s'est déroulé comme on l'avait prévu, Marcel et moi. Il reste à voir ce qui se passera dans les prochains jours. » Gilda pose ses deux mains à plat sur ma poitrine et rapproche son visage. Avec une douceur que je ne lui connaissais pas dans le regard, elle me murmure. « Tu me raconteras, dit Gino. »« Oui, c'est promis. » « Je vous raconterai tout, mais dans quelque temps. Pour l'instant, moins vous en savez, mieux ça vaudra. » Son front arrive juste à la hauteur de ma bouche. Elle le pose sur mes lèvres et je savoure un instant de bonheur qui ne me fait pas regretter la nuit de folie que nous venons de vivre. Paula nous regarde avec un vague sourire de satisfaction qui semble dire « Ah, tout de même ». Quant à Marcel, pas vraiment surpris par ce moment d'intimité, il nous lance « Bon, les tourtereaux, ce n'est pas que je m'ennuie. » Mais je commence à voir les fémurs qui me rentrent dans le ventre, si on allait se coucher. Gino, me dit Gilda, il est très tard maintenant. Tu ne vas pas rentrer à l'estac, c'est trop dangereux. Marcel peut te coucher, pas vrai Marcel? Pas de problème, répond l'autre en douille, ruinant d'un coup mes espérances. Tant pis, il ne faut pas être trop exigeant. Chaque jour amène sa pierre à l'édifice. Demain, me dit-elle, je t'aménagerai la pièce qui est sur l'arrière pour que tu puisses y dormir au cas où. Voilà, il suffit de laisser venir sans être trop impatient. À l'insu de Gilda, Paula lève les yeux au ciel et secoue la tête pour signifier qu'elle trouve sa fille un peu tarte et longue à la détente. Allez, commissaire, fait Marcel, viens dormir dans mon palais. C'est le moment des adieux et j'en profite pour piquer un petit baiser sur les lèvres de Gilda. En réponse, elle passe la main dans mes cheveux. C'est tout bon, Gino, va faire dodo, que je me dis. N'empêche qu'il va être difficile d'en écraser. Avec ce que nous avons sur la conscience, Marcel et moi.